fait 1 Plus que pas hâte, y'a des choses plus fortes que le temps et l'argent. Car les sentiments enfouis en moi et que je ressens défieront le temps sous brouillard. S'est battu pour nous élever, je voyais pas, sans doute trop jeune pour les soucis, c'est comme ça, mais toujours avec le sourire, et loin des clichés qu'on nous affuble. Ceux qui disent c'est triste tout le temps fabule, autant que ceux qui disent c'est la fête tout le temps mentent. On tapait du ballon derrière l'immeuble souvent, on était tous bordelais ou marseillais à l'époque, la même génération, Kanelka ou Zidane en short. Au cinéma, Karate Kid, des Ghostbusters, on rêvait d'avoir le blouson de Michael dans Thriller. Y'a eu la période des connades, on y est tous passés, seuls ceux qui avaient de l'amour autour de sang sont tirés. Peine à pécaille. Y'a des choses plus fortes que le temps et l'argent. Car les sentiments enfouis en moi et que je ressens défieront le temps sous brouillard, averse, tempête ou vent. À toi mon pote d'enfant. On parle d'amitié, c'est un grand mot et très peu le savent. L'amitié se perd entre nous les gens et c'est dommage. Ce sentiment je l'ai envers mes potes et amis meufs. J'ai besoin d'eux, je leur dis pas mais bon là je vous le dis. Y'en a certains, je les connais depuis je le curie. D'abord petit, 25 ans plus tard, ami de longue date. Des anecdotes, joie, fou rire et tout ça, ça date. Des années d'amitié dans le futur, y'aura des autres dates. Je suis bien au Plessis, beaucoup de mes potes sont là-bas. Une amitié simple et entre nous y'a pas de coup bas. Y'a peu de gens autour de moi mais c'est eux les vrais. Extra respect à vous tous, mes amis d'enfance. Y'a des choses plus fortes que le temps et l'argent. Car les sentiments enfouis en moi et que je ressens défieront le temps sous brouillard, averse, tempête ou vent. À toi mon pote d'enfant. Beaucoup sont seuls et certains de l'autre ennemi. Quand on parle d'amis pour nous, tu sais, c'est pour la vie. Avant, ça avait rien à voir avec maintenant. Nous on s'amusait, c'est tout, le monde était à nous. Le mal que j'ai fait, Dieu me pardonne. La rue, notre école, quand on vit dans l'obscurité, normal qu'on tâtonne. Après j'ai pris ma vie en main pour être plus près des étoiles, pour regarder la vie en face, déchire le voile du mal. Ceux qui ne croient plus en l'amour ne sont que des déçus. Mes amis d'hier sont encore les mêmes, t'as vu. Qui te réconforte quand on a besoin? Nous. À qui on parle, nous, quand on n'est pas bien? Vous.